Bienvenue, chers tipeurs! Bienvenue, mes amis, c'est votre émission du samedi, ce moment privilégié que nous partageons chaque semaine, rien que nous tous! C'est entre vous et moi, c'est de l'amour, rien que pour vous remercier de cette confiance que vous m'accordez, je me suis dit, allez, on va improviser un petit générique a cappella pour vous, pour le samedi. Attention, c'est sans filet, c'est vrai, je vais me ridiculiser, mais c'est pour toi public, c'est parti. Le samedi, c'est très joli. Le samedi, on y est bien, je vous le dis. Le samedi, c'est vraiment très joli. Le samedi, c'est vraiment très youpi. Voilà, bah j'espère que ça vous a fait plaisir. Alors oui, je suis bien conscient que quelque part, c'est totalement ridicule. C'est d'une connerie abyssale sans nom. Je suis bien d'accord, mais c'est inédit, c'est entre vous et moi. Voilà, maintenant on va reprendre un peu notre sérieux et on attaque les premières news de cette édition du samedi. Le Conservatoire National du Jeu Vidéo et la Bibliothèque Nationale de France organisent la main dans la main, en toute fraternité, une journée dédiée au patrimoine des jeux vidéo. Alors, quelle est la thématique de cette journée? La thématique est la suivante: conservation du patrimoine vidéoludique, quels enjeux, quels acteurs? Point d'interrogation. C'est donc le mardi 13 décembre 2017, hein, vous avez encore le temps, de 14h à 20h. Et le site de la BNF nous dit « Fragilité des supports, obsolescence des matériels de lecture, disparition des archives des éditeurs et concepteurs, dématérialisation des contenus. La conservation du patrimoine vidéoludique soulève des problématiques nombreuses et complexes sur le long comme le court terme. » Alors durant cette journée, il y aura de nombreux intervenants, des journalistes, des professionnels de l'industrie, des enseignants, des présidents d'associations comme le grand Philippe Dubois, Démo 5, un vaste programme. Je vous invite donc à aller sur le site de la BNF, de la Bibliothèque Nationale de France, pour avoir le programme exact en totalité. Il y a énormément de choses. Donc je le répète, ce sera le mercredi 13 décembre de 14h à 20h. J'espère qu'il y aura beaucoup de reports de cette journée, parce que moi-même ne pouvant me déplacer, le programme fait vraiment envie. Nintendo n'en finit plus de tout écraser sur son passage, car figurez-vous qu'aux États-Unis, au mois d'octobre, la Super NES Mini s'est placée carrément devant la PlayStation 4 et la Xbox One. C'est effectivement l'institut d'analyse NPD Group qui balance les chiffres, et donc la Switch est en première position des ventes au mois d'octobre, suivie en deuxième position de la Super NES Mini, qui passe donc, comme je vous le disais il y a 3 secondes, devant la PS4 et la Xbox One. Attendez, c'est pas fini, parce que si on ajoute les résultats de la 3DS à tout ça, Nintendo détient les 2/3 des ventes de consoles aux États-Unis pour ce mois d'octobre. Une sacrée performance quand même, c'est assez hallucinant. Pour les fêtes de fin d'année, là, ça va être une sacrée bataille. À savoir qui va rester sur le carreau là-dessus, j'ai ma petite idée, mais je ne m'avancerai pas plus. Electronic Arts craque sous la pression et renonce temporairement aux microtransactions de Star Wars Battlefront 2. C'est ce que titre Game Cult avec la plume de Jarod, et donc cet énième épisode de l'affaire Star Wars Battlefront 2, ça a été un peu l'un des fils conducteurs de cette semaine de revue de presse JV, et donc un nouveau rebondissement aujourd'hui, puisqu'on nous explique sur Game Cult depuis de nombreuses semaines maintenant. Electronic Arts et DICE, donc DICE, hein, je rappelle que c'est le studio de développement, n'ont cessé de plier les chines face aux polémiques attisées par les joueurs sur les différents espaces sociaux. Face au spectre du pay-to-win, le système de caisse de butin a d'abord été équilibré pour qu'il ne soit pas possible d'obtenir les éléments les plus avantageux contre de l'argent. Puis c'est l'économie du jeu qui a corrigé sa chronophagie, les joueurs estimant que le temps nécessaire pour débloquer les illustres personnages de Star Wars était indécent. Et ça, donc on en a parlé ces derniers jours. Mais laver la négativité autour de Star Wars Battlefront 2, c'est un peu comme vouloir nettoyer les écuries d'Ogias. Comme à leur habitude, les joueurs ne lâchent rien, le sacro-saint Metacritic encaisse le choc, et le jeu de DICE cristallise aujourd'hui toutes les interrogations sur le modèle économique des jeux AAA, en faisant même l'objet depuis peu d'enquêtes parlementaires, surveillant le rapprochement avec les jeux de hasard et d'argent. Et ça, on en parlait hier. L'article poursuit. Oscar Gabrielson, donc le directeur général de DICE, a déclaré « Alors que nous approchons du lancement mondial, il est clair que beaucoup d'entre vous ont toujours l'impression qu'il reste des problèmes de conception. Nous avons entendu les craintes concernant le risque potentiel de donner aux joueurs des avantages injustifiés. Et nous constatons, que ce sujet éclipse ce qui est autrement un grand jeu. Cela n'a jamais été notre intention. Pouette, mais bien sûr. Nous regrettons de ne pas avoir fait les choses correctement. Nous avons bien compris le message dont les achats en jeu sont désormais désactivés. Nous allons passer plus de temps à écouter, ajuster et équilibrer. Cela veut dire que l'option d'achat des cristaux est désormais hors ligne et que toute la progression s'effectuera à travers le gameplay. Merci quand même. La possibilité d'acheter des cristaux en jeu sera disponible plus tard une fois que nous aurons trouvé le bon équilibre. Nous révélerons plus de détails à mesure que notre travail progresse. Je fais juste une petite parenthèse avant de vous citer le dernier passage de l'article. C'est que oui, là je me moque un peu, c'est le directeur donc général de DICE. J'imagine bien sûr que il n'a pas été décisionnaire sur ce coup-là, que c'est bien évidemment Electronic Arts qui a instauré tout ce système de micro-paiement totalement dégueulasse. Mais bon, voilà, c'est le pauvre Oscar qu'on envoie au front. Alors je me moque aussi, mais j'imagine que voilà, que ce n'est pas lui qui tire toutes ces ficelles purement pognonesques, si je peux me permettre d'inventer des mots, enfin, on est entre nous. Hein. Donc, un autre passage de l'article que je vais vous lire, c'est donc Jarod qui nous dit « Aussi symbolique soit-elle, cette décision ne saurait représenter le signe que les micro-transactions intégrées au gameplay ne vont pas continuer d'envahir les productions AAA ces prochaines années. » Et oui, ça c'est un peu la grande peur. L'éditeur qui avait introduit ses achats dans la progression de Star Wars Battlefront 2 en échange de la disparition du Season Pass, les prochains modes, cartes et personnages du jeu seront théoriquement gratuits, est toujours déterminé à faire en sorte que les joueurs puissent dépenser de l'argent pour accélérer leur progression dans le jeu, mais DICE doit désormais trouver une formule miracle qui sera contentée tout le monde. Selon les sources de GamesBeat, ce revirement spectaculaire a été décidé quelques heures après un échange téléphonique, alors écoutez bien, un échange téléphonique entre Robert Iger et Andrew Wilson, respectivement président de Disney, propriétaire de Star Wars et Electronic Arts. Donc voyez que cette histoire fait tellement de bruit, fait tellement tache d'huile, que c'est remonté quand même jusque dans les hautes sphères de Disney. Et je trouve ça bien parce qu'on est les premiers, je suis le premier parfois à dire que les joueurs gueulent pour rien. Là, c'est une colère qui est tout à fait légitime, tout à fait justifiée, tout à fait salutaire. Et donc que ça remonte en haut lieu comme ça, que les joueurs aient ce pouvoir-là, c'est très bien. J'espère que ce concept de microtransaction va sauter. Mais ça me fait un petit peu peur. Alors j'avais fait un sondage, un sondage donc qui court jusqu'à ce soir, donc n'hésitez pas à y répondre, si vous m'écoutez là le samedi matin, donc c'est dispo jusqu'à ce soir, un sondage donc où je vous demande, EA qui renonce temporairement aux microtransactions de Star Wars Battlefront 2, c'est, et je vous donne 4 choix, tout à leur honneur, de la gestion de crise, reculer pour mieux sauter, trop tard, le mal est fait. Mon intime conviction, c'est que là, c'est de la gestion de crise, qu'il fallait absolument calmer tout le monde, mais que bon, ils vont quand même essayer de nous la mettre à l'envers dans quelques temps. Ce qui serait bien, ce que j'espère, ça c'est la version optimiste des choses, c'est que ça marque vraiment un coup d'arrêt sur cette propagation, je dirais, de lootbox, de microtransactions, etc. Mais les connaissants, ils trouvera bien une autre carotte à nous mettre. D'une manière ou d'une autre, en espérant qu'elle soit un peu moins douloureuse, je dirais. Voilà, donc affaire à suivre, on ne peut pas savoir. Il y a des rebondissements chaque jour avec cette histoire, donc c'est complètement hallucinant. Donc dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à répondre au sondage, et puis à réagir à l'émission sur Twitter comme d'habitude. Et je le rappelle, @revuedepressejv, mais comme vous êtes les super tipeurs, j'imagine que le compte Twitter de la revue de presse JV n'a plus de secret pour vous. Retour sur cette affaire Ubisoft Vivendi, puisque jeuxvideo.com nous dit qu'il n'y a pas d'offre à venir du côté justement du sieur Bolloré qui voulait manger Ubisoft. Alors c'est très certainement toujours dans les projets de ce monsieur aux manières si douces et si subtiles. Mais donc l'article nous dit « Cela fait maintenant plus de 2 ans que Vivendi grappille des parts chez Ubisoft cependant. » Après le statu quo du dernier conseil d'administration, Vivendi semble avoir levé le pied. Lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre cette année, Vivendi a annoncé que le fait de déposer une offre d'achat n'était plus à l'ordre du jour pour le moment. Le groupe dirigé par Vincent Bolloré déclare en effet qu'il fera en sorte de ne pas franchir le seuil de 30% par l'effet du doublement de ses droits de vote. Le dépassement de ce seuil aurait dû officiellement intervenir le 20 novembre prochain, ce qui aurait obligé l'entreprise à faire une offre à Ubisoft. Cela correspond à ce que déclarait Richard-Maxime Baudou de Challenge fin septembre. Et ce fameux Richard-Maxime, quel beau prénom composé. Richard-Maxime, c'est magnifique. Richard-Maxime, n'est-ce pas, nous dit « Le groupe de Vincent Bolloré devra sortir du bois en lançant soit une OPA, soit en mettant des titres aux porteurs pour être sous les 30% en droit de vote, soit en sortant d'une partie ou de la totalité du capital. On se dirige donc vers la seconde option. » Vivendi acceptant même de ne pas solliciter de représentation au conseil d'administration en tant qu'actionnaire majoritaire. De plus, Reuters considérait en juin dernier que si OPA y avait, Vivendi devrait faire une offre 30% supérieure au cours des options de l'éditeur. Avec les succès cette année d'Assassin's Creed, Origins et Mario plus The Lapin Crétin Kingdom Battle en tête, l'entreprise a vu le cours de ses options grimper. Vivendi estime que la plus-value latente sur Ubisoft s'élève actuellement à plus d'un milliard d'euros. Cependant, Vivendi compte bien poursuivre son développement dans l'industrie tout en profitant des retombées économiques d'Ubisoft en tant qu'actionnaire majoritaire. La citation est terminée, hein. C'était une grande citation, hein. Jean-Pierre Gaillard en direct de la Bourse de Paris, n'est-ce pas ? En tout cas, je pense que, personnellement, si vous voulez, mon intime conviction, car déjà, c'est important d'avoir des convictions, et d'autant plus important, il faut qu'elles soient intimes, hein. Je pense qu'il faut respecter l'intimité des convictions, et je dirais même la vie privée des convictions. Bref, en tout cas, si vous voulez, mon intime conviction, c'est que Bolloré, tapis dans l'ombre, tel un prédateur, surveillant sa proie au loin, en lui foutant des petits coups de griffe, la proie s'affaiblit, se relève tout doucement, la proie se croit forte, j'espère me tromper, mais je pense que le père Bolloré n'en a pas terminé. Tenez, petite news, si vous aimez bien Far Cry et si vous attendez le futur Far Cry 5, qui effectivement a un environnement et une trame scénaristique qui a l'air fort séduisante, il faut savoir que Ubisoft Berlin, qui doit ouvrir donc début 2018, hein, va besogner sur la licence Far Cry et donner un coup de main sur ce cinquième épisode, en plus déjà des autres équipes en charge du jeu. Le studio d'Ubisoft Berlin sera chapeauté par István Tanjai, qui avait passé les 5 dernières années chez Blue Byte. On nous indique que cette team sera composée d'une cinquantaine de personnes et que pour ses grands débuts, ils effectueront le rôle de soutien, d'aide, de béquille, d'arrière-garde qui besogne pour notre plus grand plaisir. Et effectivement, même si le gameplay de Far Cry ne m'a jamais vraiment plu, à mon grand malheur d'ailleurs, les thématiques de ce cinquième épisode sont effectivement très séduisantes. Donc Ubisoft met le paquet en espérant que niveau gameplay, on ait quand même des petites nouveautés qui dépoussièrent un petit peu cette formule qui, quand même, depuis quelques épisodes, est un petit peu toujours la même. RomeGame.fr, dont on a parlé déjà quelques fois dans l'émission, l'excellent site RomeGame.fr donc, se félicite du financement du magazine Player Spirit, dont les objectifs ont été atteints, et donc le site titre « Financé haut la main » donc, Player Spirit vous donne rendez-vous en janvier 2018. Alors c'est un magazine, je le rappelle, rétro, qui sera édité par la boîte de JM Destroy, hein, un ancien de la presse vidéoludique, très connu des vieux comme moi. La somme sur Ulule a été atteinte, et donc le projet a obtenu 23 225 euros. C'est quand même hallucinant. Et donc, l'article sur RomeGame nous dit « Grâce à vous, Player Spirit verra donc le jour en janvier 2018. Une revue 100% vintage, 100% micro, 100% console et 154% financée grâce au soutien des nostalgiques que vous êtes. Non seulement vous aurez le plaisir de retrouver les plumes d'AHL, Matt Murdock, Jay, Mathieu Manet, JM Destroy, Nico, Philippe Dubois ou Moulinex, mais vous aurez aussi la joie de retrouver la griffe d'Alexis Talon qui redonnera vie au mythique The Player. » Donc The Player, je le rappelle à nouveau, pour les plus jeunes, c'était une rubrique dans la vieille version de Console Plus où un personnage fictif, donc The Player, désinguait les jeux pourris du mois et derrière lequel on trouvait diverses plumes du magazine. D'ailleurs, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que Marcus aussi faisait partie des plumes donnant vie à The Player. Si je dis une bêtise, vous me contredirez, n'hésitez pas. L'article poursuit, et au milieu de ce Parnasse vidéoludique, je tâcherai d'occuper dignement la petite place que ces monstres sacrés me ront faite. Et oui, puisque Achille Micral, hein, donc, qui écrit pour Rome Game, a aussi sa place dans le magazine et signera des papiers. Et donc, on attendra de voir en janvier 2018 ce que vaut ce magazine. Bon, c'est vrai que ce casting, surtout pour quelqu'un qui a vécu ces années-là, bah, ça fait quand même vachement envie de les retrouver, en espérant que le magazine se démarque un petit peu de tout ce qui se fait dans le domaine du rétro, parce que c'est vrai que des ouvrages, des magazines sur le rétro, on en a pléthore et moult. Cela va du magazine opportuniste écrit avec le cul à des magazines vraiment soignés, des parutions soignées, et qui sont très agréables à parcourir. Donc j'espère que celui-ci sera dans le haut du panier, mais enfin, vu l'équipe quand même qu'il y a derrière, le contraire serait étonnant et une sacrée déception. Eh bien écoutez, laissons-lui sa chance, et donc eh ben, bienvenue à Player Spirit. Rendez-vous au mois de janvier pour voir si tu réponds à nos attentes. J'espère que tu nous ne décevras pas, Player Spirit. Ne va pas briser nos petits cœurs de nostalgiques. Méfie-toi, sinon ce sera, dans les règles, un grand pampan cucu. C'est ainsi que se termine cette édition du samedi matin pour vous, mes chers tipeurs. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a répondu à vos attentes et qu'elle vous a accompagné le temps de ce quart d'heure, 20 minutes, vers un week-end d'une douceur extrême, d'un week-end de moments de détente, de loisirs, de moments en famille, de moments solitaires peut-être, d'introspection, pourquoi pas. Et bon courage pour ceux qui bossent, puisque là je ne parle que de repos, mais enfin le week-end n'est pas toujours synonyme de repos. Vous le savez, vous ne le savez que trop bien, que l'émission La Classique du lundi au vendredi est disponible sur iTunes, Podcloud, Deezer et YouTube. C'est pas à vous que je vais la prendre, très certainement. N'hésitez pas, en tout cas, à réagir sur l'émission, à Revue de Presse JV, hein, le compte Twitter, ou sur Facebook. Donc je vous souhaite un excellent week-end, quoi que vous fassiez. Je vous remercie encore pour votre soutien. Merci à vous, vraiment. Heureusement que vous êtes là. Vos messages, vos réactions, vos tips, donc me donnent vraiment une patate d'enfer et me donnent cette force vraiment pour réaliser chaque jour cette émission, vraiment qui me passionne d'un bout à l'autre. Et je suis très heureux que vous fassiez partie de cette aventure avec moi. Merci à tous. Il me reste à vous libérer et à vous dire, eh ben à lundi, c'est déjà après-demain. C'est incroyable. Allez, portez-vous bien, jouez bien et vive le jeu vidéo. Allez, bye bye.